You take a turn, it's hard to follow. I want your touch, I want your body. I feel the heat. Oh, it's you. It's you I want tonight. The heat is on. I want you here tonight. It's you. It's you I want tonight. The heat is on. I want you here tonight. I feel the heat. It's you. It's you I want tonight. The heat is on. I want you here tonight. I feel the heat. It's you. It's you I want tonight. The heat is on. I want you here tonight. Thank you. window, let the sun come in. Take a breath and I can feel again. When I'm up there, my soul starts to sing. I feel a change. Thank you. ça, je le sens. Il sort d'une cure de désintox, figure-toi. Oh, santé. Santé. This the kind of beat to go ba-ta-ta, ba-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. This the kind of beat to go ba-ta-ta, ba-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. This the kind of beat to go ba-ta-ta, ba-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. This the kind of beat to go ba-ta-ta, ba-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. Y'all ready for this? DJ's Willis, we be the realest team on the playlist. Watch out, I kill it, watch out, I spit it on the mic, feel it. Y'all can't do what I do, just admit it. I'm about to get it, money, money, get it. Drop it to the floor, shake my big bitties. Bopping like, get it, my face look pretty. Y'all ain't doing shit, no, I done did it. Cause I'm marvelous, fantabulous. A bad chick, the flow sick like, oh shit. You know this, I'm too fit to ever quit. Knocking these fools out like fool sticks. I do this, I move this, I prove this. Laws be hard like a pound of bricks. It go up, jumps to boogie to the bang, bang, high. This the kind of beat to go ra-ta-ta. This the kind of beat to go ra-ta-ta, ra-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. This the kind of beat to go ra-ta-ta, ra-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. This the kind of beat to go ra-ta-ta, ra-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. This the kind of beat to go ra-ta-ta, ra-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. This the kind of beat to go ra-ta-ta, ra-ta-ta, ta-ta-ta-ta. This the kind of beat to go ra-ta-ta, ra-ta-ta, ta-ta-ta-ta. This the kind of beat to go ra-ta-ta, ra-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Y'all ready for this? This the kind of beat to go ra-ta-ta. Why them rude girl when I act rah-rah? Me no never care, so me shake me pom-pom. Me a leader, so me don't fall. Missy Elliott, that's who I are. Back it up, kiss it, I'm it, ah. Super duper fly, hee-hee-hee-ha. Why the people want you put your hands up, I? Put your hands up, I? Put your hands up, I? Put your hands up, I? Why the people put your hands up, I? Hands up, I? This the kind of beat to go ra ta ta ta ta. This the kind of beat to go ra ta ta, ra ta ta, ta ta ta ta ta. This the kind of beat to go ra ta ta, ra ta ta, ta ta ta ta ta. This the kind of beat to go ra ta ta, ra ta ta, ta ta ta ta ta. This the kind of beat to go ra ta ta, ra ta ta, ta ta ta ta ta. This the kind of beat to go ra ta, ra ta ta, ta ta ta ta ta. This the kind of beat to go ra ta, ra ta ta, ta ta ta ta. This the kind of beat to go ra ta, ra ta ta, ta ta ta ta ta. Can it be to go right back? Like to get to know ya, so I can show ya. Put a hurtin' on ya, like I told ya. Give me all your numbers so I can phone ya. Your girl acts the same thing, call me yoga. Knock on the bed, lay me on the sofa. Call before you come, I need to shave my cha-cha. You do what you don't, or you will, I won't cha. Go downtown and eat it like a bo-cha. See my hips, these hips don't cha. See my butts and my lips don't cha. Lost a few pounds in my waist, oh ya. This the kind of beat to go right ta ta. This the kind of beat to go ba ta ta. This the kind of beat to go. This the kind of beat to go. This the kind of beat to go ba ta ta. This the kind of beat to go ba ta ta, ba ta ta, ta ta ta ta ta. This the kind of beat to go ba ta ta, ba ta ta, ta ta ta ta ta. This the kind of beat to go ba ta ta, ba ta ta, ta ta ta ta ta. This the kind of beat to go ba ta ta, ba ta ta, ta ta ta ta ta. C'est la fête! Attention, tout le monde en place pour la danse du ventre. Vous formez le cercle et vous tapez dans les mains. Et vous partez sur la gauche, en ondulant des hanches, sur la droite. On tourne sur place et on tape les mains. Et maintenant, selon votre imagination, dansez la danse du ventre. Ambiance, ambiance. La radio, couleur froid, c'est ça. C'est la veille du nouvel an, alors nous ferons une fête. Où se tiendra donc cette fête, si je puis me permettre? Eh bien, même pour tout, où nos amis seront réunis. Alors, dans ce cas, je sais où se tiendra cette fête. Chez Couleur 3. I know you want me to. Bonne année. Bonne année. Et bonne année. Et nous voilà prêts à saluer avec vous ce nouvel an dont nous sommes tous si proches et en direct. Place aux réjouissances et à l'allégresse. Alors dans ces cas-là, c'est nous qui reprenons les commandes du mix. On va mettre le feu à la piste, c'est quelque chose qu'on sait faire, c'est notre spécialité, parce qu'il faut arrêter de se mentir, une fête c'est des gens qui dansent et puis c'est tout. I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Y'all act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like panic. Tommy just burst in the door. We started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said... Nothing, you idiots. Dr. Dre's dead. He's locked in my basement. Feminist women love him and him. Chicka, chicka, chicka, Slim Shady. I'm sick of him. Look at him walking around, grabbing at you know what, flipping at you know who. Yeah, but he's so cute though. Yeah. But if we can hump dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women, wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand up. 'Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand. And it goes. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand up. 'Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand up. I just get on the mic and spit it, and whether you like to admit it, I just better than 90% of you rappers out, kid. Then you wonder how can kids eat up these albums like this is funny. 'Cause at the rate I'm going when I'm 30, I'll be the only person in a nursing home flirting. Bitch, a nurse's asses when I'm a jerkin', said I'm jerking, but this whole bag of Viagra isn't working. And every single person is a Slim Shady lurking. He could be working at Burger King, spitting on your onion rings, or in the parking lot circling, screaming, I don't give a f- but his window's down and his system up. So will the real Shady please stand up and put one of those fingers on each hand up and be proud to be out of your mind and out of control. And one more time, loud as you can. How does it go? I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand up. 'Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand up. 'Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand up. 'Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand up. Tout va bien? Allez, ça pulse à mort, hein? On continue. Attention, nous allons voir ensemble tout le parti qu'on peut tirer des matériaux les plus simples quand on leur fait subir des manipulations électroniques. Allez, vas-y, Gary, envoie la musique. Booty bitch. Mata. Radio. C'est toute la puissance du lion dans votre transistor. Zoo Radio. Les meilleures ondes de la région. En vous présentant de la part de toute l'équipe de la 3 tous nos meilleurs voeux pour que cette année 1990 soit heureuse et pleine de santé pour chacun d'entre vous. Ah, ça peut, ça mort. Je suis, mais je m'en fous. Ah donc, on continue. Ah oui, donc ça c'est très bon. Ah oui. I'm About now, Funk Soul Brother. Is your muffin buttered? Would you like us to assign someone to butter your muffin? Excuse me. Excuse me. Hey you, over there. And your shirt is long in your underwear. What are you doing sitting down? You should be horizontal. The swimmers. Bonne année. Merci, toi aussi. Bonne année. Quelle époque épouvantable. Ne quittez pas. Le cuir, ça restera toujours le cuir. Le cuir, ça traverse les âges, les frontières, les modes. Cuir, cuir, cuir moustache. Cuir, cuir, cuir moustache. Cuir, cuir, cuir moustache. Cuir, cuir, cuir moustache. Cuir, cuir, cuir moustache. Cuir, cuir, cuir moustache. Cuir, cuir, cuir moustache. Cuir, cuir, cuir moustache. Cuir, cuir, cuir moustache. Cuir, cuir, cuir moustache. Cuir, cuir, cuir moustache. Cuir, cuir, cuir moustache. Cuir, cuir, cuir moustache. Cuir, cuir, cuir moustache. Cuir, cuir, cuir moustache. Cuir, cuir, cuir moustache. Qui cogne. Je suis une fleur. Je suis une très jolie fleur. Je suis plus jolie qu'une rose et je sens meilleur qu'un lilas. Qui suis-je? Je suis toi. Tu es une fleur. Tu es une très jolie fleur. Tu es plus jolie qu'une rose et tu sens meilleur qu'un lilas. Qui es-tu? Tu es nous. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies Tous des fleurs. Mesdames et messieurs, prenez place. Le spectacle va commencer. DJ Loving Ninja on the beat. Matches la durée on the mic. Let's go. You got to show me cunt. Yeah. You got to show me cunt, cunt, cunt, cunt, cunt. You got to show me. C'est quoi cette fête de merde? Il n'y a aucune ambiance, la musique est pas forte, personne ne danse. Il y en a même un qui dort, c'est lamentable. Un, dos, attention. Un, dos, tres, cuatro, la pantera. Un, dos, attention. Un, dos, tres, cuatro, la pantera. Un, dos, attention. Un, dos, tres, cuatro, la pantera. Un, dos, attention. Un, dos, tres, cuatro, la pantera. Curieux début de disque, n'est-ce pas?

réaliser, le précise une demi-heure plus tard. Ce sera à travers un référendum ou des conventions citoyennes. Les vœux de Volodymyr Zelensky, l'Ukraine doit se battre en 2025 sur le champ de bataille et à la table des négociations, mais après 3 ans de guerre, il le précise, l'Ukraine fera tout en 2025 pour arrêter la Russie et mettre fin au conflit. Cette confirmation depuis le Sénégal, le président Gamay Faye annonce la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès cette année 2025, dans un discours à l'occasion du nouvel an. Et dès novembre, il avait déjà annoncé que la France allait devoir fermer ses bases militaires dans cet état d'Afrique. Le président de la Côte d'Ivoire demande le retrait lui aussi des forces françaises. La base militaire française d'Abidjan va être rétrocédée